Amis auditeurs, amis auditrices, amis auditrans, bonjour. Dans la série Les Chroniques Virales, voici. La mort et la nature s'étonneront. Requiem. Paru dans lundi matin 236, le 30 mars 2020. 22 septembre 2020. J'espère que vous vous portez bien. Ainsi que vos proches. Puisque vous ne demandez pas de mes nouvelles, je vous en donne, je suis en train de mourir, ma femme, que Dieu la garde en son sein, est déjà morte dans sa chambre et gîte sur son lit depuis 2 jours, le chien hurle la mort au point où les filles sont venues ce soir voir ce qui se passait, mais quand ils ont entendu mes râles d'asphyxié et mes cris de haine contre Macron, Emmanuel Macron, auquel Teoti de Cohon, on vient de chercher chez Toowa. Ils se sont barrés, terrifiés. Bon, j'espère, dans ces dernières heures qui me restent à rêvasser comment la vie fut belle avec tant de chers amis pleins de sollicitude, que vous tenez bon. 24 septembre 2020. Non, en fait, ma femme n'est pas morte, elle était bourrée, elle roupillait, tellement elle est devenue alcoolo. Carrément, on ne sait plus comment faire pour acheter nos cubis de corbière à 12 € le 5 litres. Et puis le chien, j'avais juste oublié de lui donner à manger depuis 4 jours. Mes difficultés respiratoires, c'était juste une crise d'angoisse. Et les flics, ce n'étaient pas de flics mais les éboueurs avec leur calendrier de Noël un peu en avance pour ramasser quelques thunes. Les cons, ils n'ont qu'à travailler comme les traders dans la haute finance. Car la bourse continue à flamber. On ne sait pas pourquoi. Et puis quoi encore, même les livreurs de Livréo vont finir par venir mendier aussi en faisant le porte-à-porte. Et les confinés dans les goulags d'Amazon vont-ils aussi rappliquer? Et puis quoi encore, les infirmières et les toubibs après les applaudissements de 20 h vont-ils aussi finir par se pointer contaminés à 99% pour faire la manche dans ma copropriété? Les cons. Mais merde alors, tous des criminels contaminateurs que je vous dis. Et puis tous ces taux de mortalité et ces comptabilités funèbres journalières, et des morts encore et encore, t'en voilà, tu vas en bouffer. Mais on va leur en foutre une émeute que je vous le dis aux précieux et précieuses qui nous font leur sale morale de tester. On va leur cracher à la gueule des molars infectés au corona quand ça va se calmer. Nanani, nanana, vous êtes des irresponsables, des sacrés imbéciles à vouloir encore respirer dans un parc, des gros porcs à vouloir encore baiser dans les temps qui courent. Préférez-vous l'empire chinois qui arrive avec sa biopolitique high-tech et sa cybernétique de mes deux et ses décors de mauvais goût de salles de fête monumentales et leur route de la soie serpentine? Voulez-vous vraiment que le vieux monde avec ses grandes productions Hollywood s'écroule, fini, et dans les décombres seulement des oyous trash surarmés? N'avez-vous pas encore le Louvre que vous pouvez parcourir sur Internet en accès libre, et la mémoire de la Révolution française et François Furet, et le cinéma d'art et essai et la Nouvelle Vague et Godard et ses Jérémiades sur Tay? Ne pouvez-vous pas bouquiner encore Beckett et lire le lundi matin? Vous êtes dans un pays libre. Car après tout, il y a combien de zombies contaminés? Et il y en a combien qui clament dans les rasters qui regorgent de vieux? On n'en sait plus rien. C'est quoi tous ces pourcentages? C'est pas beau mourir asphyxié sous morphine jetée comme une merde dans un couloir des souterrains d'un hosto à 98 piges oubliées des siens qui se disent putain on va enfin hériter du putain de pavillon périurbain de Cholet. Mais merde, mourir d'une cancer de l'anus, d'une crise cardiaque, d'un accident de la route complètement bourré, d'une cirrhose ou d'une consommation chronique de neuroleptiques, c'est pas génial non plus. Ni mourir d'ennui. Après tout, quand la mort arrive, elle est morte, disait Tolstoï. 25 février 2021. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mes chers amis. Comme vous le savez, depuis 2 mois, il y a une nouvelle vague de contaminés. J'ai fini par manger les cornflakes qui me restaient avec la mayonnaise. J'ai tout mis dans une grande assiette et ça fait un peu nouvelle cuisine française. Mais en vérité, ce n'est pas top, Pas génial, moi qui adorais épater mes amis graphistes avec des recettes napolitaines tarabiscotées. J'ai trouvé un tube de mayonnaise dans un marché clandestin de Biffin dans le bois de R, à 500 mètres de la maison. Il n'y a presque plus de flics dans la rue pour contrôler. Sauf les immunisés qui ont miraculeusement pu se faire tester et qui vivotent en patrouillant avec indolence, il ne reste plus pour nous emmerder que les obstinés, les plus psychopathes, ceux qui veulent continuer à toucher leur prime de la Task Force Économie. Mais il n'y a presque plus d'économie. Macron s'est suicidé. Il a été remplacé par Griveaux qui est retourné aux affaires. Il a même eu le culot d'afficher sa bite sur la page d'accueil du site web de l'Élysée. Donc on peut aller faire des courses en catimini dans des endroits insolites. Ça ne manque pas d'un certain charme, un peu mélancolique. Et puis, je n'ai plus de smartphone pour me faire pister car je n'ai plus de batterie. L'Allemand a été de toutes les façons interné dans une unité psychiatrique de la prison de Fresnes après avoir envoyé des communiqués de presse, piratés, s'est-il justifié, signé Joseph Goebbels. Castaner a démissionné. On dit qu'il a mis en place un réseau de jeux clandestins avec la mafia corse. Les milices de la BAC se sont mises à braquer les cabinets de médecins généralistes et les services hospitaliers pour revendre au prix fort des masques, avec des dosettes de morphine, parfois un caillou de crack en prime qu'ils l'ont racketté au Modus de la Chapelle. The economy is dead. Ma batterie du smartphone aussi. Le dernier Lika mobile de mon quartier a fermé. Les Pakistanais qui le tenaient sont partis en mode plan d'eau au travers les Balkans jusqu'en Grèce. Il paraît que les Chinois ont créé au port du Pirée une colonie florissante avec des labos où ils produisent de la viande synthétique. Ils accueillent pas mal de monde. Quoi dire, alors? Ma femme va bien. On s'est fait les deux une cure de sevrage, à la dure. De toutes les façons, il n'y a plus une goutte d'alcool, nulle part. Le chien se balade seul dans les rues et semble bien se démerder. Il mange des pigeons, même s'ils sont devenus agressifs. Nom de Dieu, ils se défendent bien. Je l'ai vu de mes yeux. C'est la guerre des pigeons, des chats et des chiens errants. Un ami m'a parlé par internet de la Shoera. Il dit que ce qui nous arrive c'est le retour des mystères orphiques. La polie est morte. Depuis quelques semaines, un exode interminable a lieu vers les campagnes du pays. L'arrière-pays. À pied, en bagnole, en vélo. Je ne veux pas partir avec les autres. Je préfère fouiller le poubelle des derniers supermarchés dévalisés, presque vides, à bonne distance de Air Rome qui squatte les premières places avec un regard torve, parfois ricanant. C'est de bonne guerre. C'est leur revanche. Non, je ne veux pas partir pour revivre en société. J'ai peur qu'elle se refasse une santé. Non, même pas en rêve. Un texte de Joseph Raphaël Iora. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.